Food the Folk. C'est fou. 89.1. Au Mathieu Planche Show. Dans Télévision, Netflix diffusera 13 nouveaux épisodes de La Fête à la Maison. Moi, j'exige le retour de mes anciennes émissions, La Chance au coureur, et écoutons-la dans la chanson. Dans Segment Geek, CNX, Google offre une visite virtuelle des studios Abbey Road. C'est fou, offre aussi une visite virtuelle de ses studios. C'est plus une photo, par contre, qu'une visite. Et dans Merci Science, les mémoires des ordinateurs du futur seront inspirées du cerveau. Le Mathieu Planche Show commence tout de suite. Et voici celui qui ne se souvient de rien du passé, mais se rappelle très bien du futur. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 20 avril 2015, la chronique télévisuelle Television, le segment Geek CNX, c'est un fait, Tech Edition, et la chronique de science, technologie et médecine, Merci Science. On va aussi continuer et terminer notre série musicale Nintendo RPG Tribute Volume 1, A Mana Trigger. Mais pour commencer, on écoute un peu de musique chiptune. En fait, on continue à en écouter encore un peu. On a débuté avec une pièce tout à l'heure qui était par l'artiste Nestrogen, l'extrait Misleading Startup Chime. Mais on s'en va entendre une deuxième tout de suite, qui cette fois-ci est par Hurry Game Boy. Hein? Pourquoi pas? Allons entendre tous ensemble, à l'instant, genre lol, la pièce Showdown sur C'est Fou. Ça vous entend-tu? Parce que si vous êtes pas prêts, ça va commencer sans vous. Là. Voilà. MPS, le Mathieu Plante Show, ça c'est fou. Bad. pièce Showdown par Hurry Game Boy au Mathieu Plante Show. À la première chronique sur le bord, c'est souvent Television. Télévision, la chronique dans laquelle on parle de télé et des fois de radio et autres médias parce qu'on n'a pas de chronique sur les autres médias, donc on met ça dans Télévision. Mais quand même, depuis les 7 derniers jours, étrangement, on commence avec une nouvelle qu'on a abordée la semaine passée parce qu'on ça avait lieu pendant qu'on se parlait mercredi dernier en direct entre 13h et 15h. On parlait des recettes pompettes. J'ai même parlé en introduction de l'émission comme quoi ça pourrait être vendu. Et bien, c'est fait. Le concept de l'émission québécoise, les recettes pompettes, ou comme je l'ai appelé la semaine passée en anglais, recettes pompettes. L'animateur Eric Salvaille cuisine et prend un coup chaque semaine avec une personnalité québécoise sur V, je pense que je vous apprends rien, a été vendu en France. Donc, l'équipe d'Éric Salvaille, qui était à Cannes pour participer au marché international des programmes de télévision, le MIP TV, aurait finalement conclu une entente avec Bagel Studio. Ce groupe de production réalise et diffuse des sketchs humoristiques sur le site internet YouTube, youtube.com/studiobagel. En France, le passage du réalisateur Xavier Dolan cet hiver avait été remarqué et mentionné par plusieurs grands médias. Or, la législation française encadre sévèrement la consommation d'alcool à la télé. C'est pourquoi Bagel Studio et sa production web se sont rapidement imposés pour l'achat des droits. L'identité de la personne qui prendra le relais d'Éric Salvaille dans l'Hexagone n'est toujours pas connue. Il y a aussi d'autres pays qui considèrent aussi acheter le concept des recettes pompettes. On parle d'Espagne, des États-Unis et des Pays-Bas qui auraient démontré leur intérêt. On va évidemment suivre le dossier le cas échéant. On reste au Québec et plusieurs productions québécoises sont nommées à Banff. Le Québec est bien représenté au Banff World Media Festival qui se tient du 7 au 10 juin dans les Rocheuses. Plus de 150 finalistes décrochent au moins une nomination, dont plusieurs qui proviennent de la belle province. Donc voici la liste des productions d'ici qui sont retenues. La comédie Les Beaux Malaises, nommée dans la catégorie sitcom. La série 19-2 est nommée dans la catégorie feuilleton. La quotidienne 30 vies est nommée dans la catégorie mélodrame. Et le film d'animation Le Coq de Saint-Victor est nommé dans la catégorie animation. Les séries web, Quart de vie et Pitch sont nommées dans la catégorie séries numériques. Donc on les félicite et on va en reparler s'ils gagnent quelque chose. On reste au Québec où Alain Gravel va remplacer Marie-France Bazot et quitter Enquête. C'est la grosse nouvelle dans le domaine en ce moment. À la barre de l'émission Enquête depuis 6 ans, le journaliste Alain Gravel quitte la télévision et s'installera derrière le micro de l'émission matinale de la radio de Radio-Canada dès la fin du mois d'août. Tout un changement de carrière et un grand défi pour celui qui est perçu par certains comme étant austère, a-t-il lui-même avoué lors d'un point de presse. Je suis en train de vous lire un article qui provient de la presse. Je cite, ça peut jurer de me voir, moi, l'air austère et méchant, devenir Morning Man, mais je suis aussi quelqu'un qui aime la vie et qui s'intéresse à plein de choses. Alain Gravel succède donc à Marie-France Bazot à l'émission du matin d'ici Radio-Canada Première. Évidemment, on parle de la version montréalaise parce que dans les régions, on a des émissions locales. En mars dernier, l'animatrice a créé toute une commotion en annonçant en nom qu'elle quittait son poste à peine 2 ans après avoir succédé à René Aumirois. Animer une émission du matin est tout un défi dans la grande région de Montréal où les codes d'écoute de l'animateur Paul Arcand du 98.5 FM sont pratiquement le double de celles de ses concurrents. Lorsqu'elle était entrée en poste en 2013, Marie-France Bazot avait affirmé qu'elle se donnait 1 an pour talonner Arcand. Ça s'est finalement jamais concrétisé. C'est pas pour ça qu'elle est partie. On a entendu dire qu'il y avait des problèmes avec la direction la direction de Radio-Canada et aussi la direction vers laquelle s'en allait l'émission. La presse a demandé au nouvel animateur s'il se fixait un tel défi, ce à quoi Alain Gravel a répondu qu'on lève souvent le nez sur les codes d'écoute, mais qu'il les regardait sans que ce soit un absolu. Je trouve que c'est la bonne philosophie à avoir, c'est que tu fais pas une émission pour les codes d'écoute, mais c'est quand même intéressant de le savoir, le cas échéant. Hein? J'abuse de le cas échéant aujourd'hui. Je cite, je veux que cette émission marche et je veux me donner le temps pour trouver mon ton. L'émission reflétera ma personnalité. Je ne serai pas content d'être content. Ce n'est pas mon genre. Il veut trouver son ton. Je sais pas s'il va trouver son bagel aussi. Donc la directrice générale de la radio de Radio-Canada, Patricia Pechinska, est certaine que sa nouvelle tête d'affiche se démarquera rapidement. Je cite, les auditeurs ont confiance en lui. Cet automne, ils découvriront l'ampleur de sa générosité, de sa personnalité et aimeront se réveiller tous les matins avec une personne aussi fascinante et attachante. C'est vrai que c'est une bonne personne. J'aime ce qu'il fait. Je trouve que c'est un gars cool. Mais c'est ça, il quitte, évidemment, Enquête. Quelques minutes, c'est ça, avant l'annonce officielle, les membres de l'équipe de C'est pas trop tôt ont été rencontrés par la direction de Radio-Canada. Pour l'instant, aucune décision n'aurait été prise quant à l'identité des chroniqueurs qui reviendront l'an prochain. C'est ce que je voulais dire avant de passer au prochain sujet. Mais comme je disais, il quitte Enquête. Alain Gravel se définit comme un journaliste d'abord et avant tout. En 78, il avait commencé sa carrière à la radio à Québec, avant d'atterrir quelques années plus tard à la station privée CKAC à Montréal. Mais c'est dans les années 90, alors qu'il était journaliste à TVA, qu'il s'est véritablement fait connaître du public. À l'époque, il a couvert de nombreux conflits, dont la crise d'Oka en 90 et la guerre du Golfe l'année suivante. D'ici deux semaines, Radio-Canada doit annoncer l'identité de la personne qui va remplacer Alain Gravel à la barre d'enquête. Le nom de la journaliste Marie-Claude Denis, qui a enquêté avec Alain Gravel sur l'industrie de la construction, circule déjà abondamment sur les réseaux sociaux. On va, c'est quoi la phrase? Suivre le dossier. Quand même. C'est notre job! Television, c'est ça qu'on fait! Radio-Canada cède ses costumes au Musée de la Civilisation. Encore un autre article de la presse. Une partie du costumier de Radio-Canada a finalement trouvé preneur. La Société d'État a conclu une entente avec les musées de la Civilisation de Québec qui se porte acquéreur de 143 costumes patrimoniaux, dont les célèbres vêtements de Bobino, de la Souris Verte et la robe de Fanfreluche. Je cite, nous réjouissons de l'intérêt des musées de la civilisation de Québec pour ces costumes à valeur patrimoniale. Avec leur expertise, ceux-ci seront non seulement conservés dans les meilleures conditions possibles, mais pourront être mis en valeur au profit des générations futures. Ça, c'est le vice-président principal de Radio-Canada qui a dit ça. Alors, en plus des costumes mentionnés précédemment, les habits de Séraphin et de Donalda seront aussi conservés par les musées de la civilisation de Québec, tout comme les costumes de Rosanne et Mémère Bouchard du temps d'une paix, ainsi que des vêtements portés par Julie Snyder dans L'Enfer, c'est nous autres, et par Dominique Michel dans de nombreux Bye Bye. Depuis l'annonce de la fermeture du costumier l'automne dernier, plusieurs employés de Radio-Canada et des citoyens se sont mobilisés afin de préserver les quelques 90 000 pièces de vêtements, dont certains à valeur patrimoniale, qui détient à la Société d'État. En décembre, il y avait eu une marche funèbre symbolique qui a été organisée devant la maison de Radio-Canada à Montréal afin de dénoncer les coupures que subit la Société d'État. Mais qu'adviendra-t-il des vêtements et costumes qui ne sont pas acquis par les musées de la civilisation de Québec? Radio-Canada a affirmé qu'elle menait des pourparlers avec un groupe formé de la Corporation de développement économique communautaire, la CEDEC Centre-Sud Plateau-Montréal, Culture Montréal et un groupe de producteurs qui ont entrepris de créer un organisme à but non lucratif dont l'objectif sera de préserver l'intégralité de cette vaste collection de vêtements et d'en faire la gestion au bénéfice de l'ensemble de l'industrie. Aucune entente formelle n'a toujours été conclue en ce sens. Maintenant, on passe au Canada anglais. On était déjà au Canada avec Radio-Canada, mais quand même, deux cadres de la CBC remerciés. La CBC a indiqué qu'elle rompt ses liens avec deux de ses cadres supérieurs alors que le diffuseur publiait le rapport indépendant commandé sur sa gestion interne de toute l'affaire Gian Gomeschi dont on a parlé depuis des mois et des mois. Dans une lettre publique aux employeurs du diffuseur, la haute direction de la CBC qualifie de dérangeante et décevante les conclusions du rapport de maître Janice Rubin, qui avait été mandatée pour mener une enquête externe sur la façon dont les cadres supérieurs ont géré cette affaire depuis le début et pour formuler des recommandations afin d'améliorer les politiques actuelles, nous dit la presse canadienne. Le réseau anglais de Radio-Canada a congédié M. Gomeschi en octobre, après avoir, je le rappelle, pris connaissance de preuves matérielles qui démontraient qu'animateur de son émission phare, Q, avait causé des blessures à une femme. Gian Gomeschi fait aujourd'hui face à 7 chefs d'accusation d'agression sexuelle. Il est aussi accusé d'avoir tenté d'étouffer, de suffoquer ou d'étrangler une personne dans le but de vaincre sa résistance. Une des plaignantes est une ancienne employée du diffuseur. Dans son rapport, Mme Rubin indique qu'une majorité des personnes qu'elle a rencontrées dans le cadre de son enquête ont évoqué chez M. Gomeschi des habitudes de comportement extrêmement irrespectueux envers des employés, bien en deçà des normes établies au sein de l'entreprise. Selon des témoignages recueillis par Mme Rubin, il arrivait régulièrement que Gian Gomeschi rabaisse ou humilie publiquement des collègues, lance des blagues ou joue des tours cruels et à quelques occasions fasse subir du harcèlement sexuel à ses employés. La spécialiste en droit du travail a rencontré 99 personnes pendant 5 mois pour rédiger son rapport, rendu public par la CBC récemment. Le diffuseur promet de travailler de concert avec le syndicat, la guilde canadienne des médias pour examiner attentivement les 9 recommandations formulées par Mme Rubin et en mettre en œuvre autant que possible, le plus rapidement possible. La haute direction présente aussi ses excuses aux employés qui auraient subi des comportements inappropriés dans leur milieu de travail. Par ailleurs, la CBC indique que le directeur administratif du service radio, Chris Boyce, et le directeur des ressources humaines et des relations de travail au service anglais, Todd Spencer, quitte le diffuseur public. Ce sont eux qui avaient rencontré l'été dernier des membres de l'équipe de l'émission Q dans le cadre d'une enquête interne de la CBC. Le diffuseur les avait ensuite mis en congé en janvier pour une période indéterminée. Gian Gomeschi, qui a plaidé non coupable aux 8 accusations, a recouvré sa liberté moyennant une caution de 100 000 $ assortie de plusieurs conditions. Il doit revenir devant le tribunal le 28 avril. De plus amples détails en fait probablement le double de ce que je viens de vous lire là sur assemblagerequis.com. Maintenant, une nouvelle étrange, étant donné le paysage télévisuel canadien-anglais, Corus qui va lancer Disney Channel au Canada à l'automne. Corus qui a obtenu les droits de diffusion du contenu Disney Channel au Canada à la suite d'une entente de diffusion à long terme avec Disney et ABC Television Group. Corus Entertainment, diffuseur spécialisé dans le contenu destiné aux enfants et à leur famille, lancera en primeur Disney Channel au Canada le 1er septembre prochain. En effet, les termes de l'entente permettent à Corus d'obtenir les droits de diffusion en anglais et en français du contenu de Disney Channel et devient intendant de la marque. Disney Channel proposera une vaste gamme d'émissions populaires qui sont déjà diffusées au Canada, entre autres Casey Undercover, Girl Meets World, Austin and Ally, Liv and Maddie et plusieurs autres. L'entente comprend également les droits de diffusion en contenu simultané, authentifié et de vidéos sur demande. Contenu simultané, authentifié, ça veut dire quand tu te connectes avec ton login de Bell, tu peux regarder des émissions que tu as déjà sur Bell, sinon si t'es dans une autre compagnie, tu peux pas y regarder. Tu sais, ce que j'ai jamais compris et que je ne comprendrai jamais. Suivant le lancement de Disney Channel cet automne, d'autres éléments de l'offre télévisuelle pour enfants de Disney seront déployés au fur et à mesure de leur transition à Corus. Évidemment, ça va être un long processus étant donné les contrats avec toutes les émissions qui sont diffusées à YTV, qui sont diffusées à Family Channel. Parce que oui, Family Channel est composé majoritairement d'émissions Disney. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de Family? Est-ce que ça va être un rebranding? Moi, c'est ce que je m'attendrais à ça. Un rebranding de la chaîne Family Channel en Disney Channel. On va voir. C'est pas ce que l'article dit, mais en tout cas, ça sonne drôle. Family Channel n'est pas vivant sans Disney. Donc, le contenu est destiné aux 6 ans à 14 ans. C'est parmi les chaînes les plus regardées par les jeunes. La chaîne diffuse en continu 24 heures par jour et est présente dans plus de 96 millions de foyers américains. La collaboration entre Corus et Disney ABC Television Group s'est amorcée en 2011 avec l'annonce du lancement par Corus du service ABC Spark, qui est la version canadienne de ABC Family, destinée à la génération qu'on appelle du millénaire. Au début du mois d'avril, Corus a signé une entente à long terme avec Nickelodeon, qui faisait de l'entreprise une unique distributeur du contenu de la marque au Canada. Et il y a d'ailleurs une chaîne Nickelodeon depuis quelques années au Canada. Maintenant, on passe aux États-Unis, où Sarah Jessica Parker fait un retour à la télé. Sarah Jessica Parker, évidemment qu'on connaît pour Sex à New York, fera un retour à la chaîne HBO dans une comédie sur les problèmes matrimoniaux. La chaîne câblée a annoncé que l'ancienne actrice de Sex and the City serait la vedette d'une série d'émissions de 30 minutes intitulée Divorce. Elle tiendra le rôle d'une femme qui découvre que mettre fin à une union est plus difficile que prévu. Thomas Hayden Church, qu'on connaît pour Spider-Man 3, interprétera son mari. La série inclura également Molly Shannon de Saturday Night Live et Talia Balsam, qui interpréteront les amis proches du personnage de Parker, donc Francis. L'actrice de 50 ans a connu la gloire dans Sex à New York, diffusée de 1998 à 2004 à HBO. Elle a également repris le rôle, vous le savez probablement, dans deux films. Divorce, qui va être tournée à New York cette année. HBO n'a pas précisé quand elle serait diffusée. Wes Craven s'offre deux nouvelles séries. Le réalisateur de films d'horreur, Wes Craven, vient de signer un accord pour l'écriture et la réalisation de deux nouvelles séries d'épouvante. Le père des franchises Frisson et Freddy s'attaque au petit écran. D'une part, Wes Craven va adapter le roman à succès de Daryl George, We Are All Completely Fine. Le thriller met en scène une thérapie de groupe pour survivants traumatisés par des expériences abominables. Wes Craven s'est engagé à écrire le script et à réaliser le pilote de la série. D'autre part, le réalisateur produira l'adaptation de son propre film de 1991, Le Sous-sol de la peur. L'intrigue de départ reste la même, la disparition d'un personnage dans un grand manoir et la découverte de terribles secrets enfouis sous le domaine. Les deux séries seront normalement diffusées sur la chaîne américaine Sci-Fi à partir de l'an prochain. Une autre adaptation, c'est En quête d'une galaxie. Oui, En quête d'une galaxie, le film avec, entre autres, c'est qui le gars qui jouait dans Home Improvement. On va en lire l'article, voir. Film parodique de science-fiction, En quête d'une galaxie. C'est que je cherchais le nom en français. C'est Galaxie quelque chose, là. Voyons, là, en anglais, là. Comment on va trouver ça? Ça doit pas être difficile à trouver, ça, là. Bref, Galaxy Quest. C'est pourtant une traduction littérale, pour une fois. Un film parodique de science-fiction, En quête d'une galaxie, se transforme en série. Le long-métrage de Dean Pariseau, sorti en 1999, connaîtra une adaptation au petit écran menée par son scénariste original. Le projet de Paramount Television n'est encore relié à aucune chaîne américaine. Comédie qui parodie des séries de science-fiction comme Star Trek, En quête d'une galaxie s'intéresse aux acteurs d'une série télévisée arrêtée 20 ans plus tôt. Indissociables de leur rôle, même après toutes ces années, ces comédiens sont contraints d'enchaîner les petits boulots afin de gagner leur vie. En se rendant à une convention de Galaxy Quest, ils sont enlevés par des extraterrestres. Persuadés que la série est vraie, ils leur demandent de l'aide pour venir à bout d'un terrible adversaire. Tim Allen, qui est le nom du gars que je cherchais en début d'article, Sigourney Weaver, Alan Rickman et Tony Shalhoub, ainsi que Sam Rockwell et Justin Long tenaient les premiers rôles du long-métrage, devenu culte pour une poignée d'amateurs de science-fiction au fil des années. Rien n'indique encore si les membres de la distribution seront de retour pour la version télé. On sait que Tim Allen est déjà dans une sitcom sur ABC en ce moment, donc peut-être qu'il n'est pas libre. À l'image de Wet Hot American Summer, série estivale de Netflix qui regroupera la distribution du film original, ça pourrait faire la même chose. Surtout que les acteurs de En quête d'une galaxie sont déjà passés par la case du petit écran, sauf Sam Rockwell. C'est le deuxième film issu du catalogue Paramount à connaître une déclinaison télévisée après Shutter Island. Martin Scorsese travaille sur une nouvelle version de son long métrage en association avec HBO. Donc on va évidemment suivre ça, comme toujours. Jon Stewart va animer son dernier quotidien, le Daily Show, le 6 août. Ce sera la dernière fois qu'il le fera. On avait déjà annoncé son départ précédemment dans Television, mais ici, on connaît la date. Donc, M. Stewart a annoncé cette date dans les dernières minutes de l'émission de lundi soir dernier. Sourire en coin, il a promis de porter un complet et de prendre une douche avant cette dernière émission. Il s'est ensuite ravisé, disant qu'il porterait une salopette et qu'il sauterait dans la douche. Le réseau Comedy Central a affirmé que, le bulletin de nouvelles humoristiques sera en pause pour le reste de l'été. Ce qui est quand même particulier parce que la dernière fois qu'il y avait une pause dans l'émission, que Jon Stewart était allé filmer un film, c'était John Oliver qui l'a remplacé. Et John Oliver a eu tellement de succès qu'il a été repêché par HBO pour faire une émission en compétition avec le Daily Show, mais le dimanche soir, à place d'être une quotidienne, c'est une hebdomadaire. Donc c'est pas vraiment dans la compétition parce que c'est pas dans la même casera. Mais quand même, ils se sont fait voler leur joueur le plus utile. Donc j'imagine que là, Comedy Central, sachant que Trevor Noah va commencer plus tard à l'émission, probablement à l'automne, comme on avait déjà annoncé, ils veulent pas mettre quelqu'un d'autre des fois qu'il y aurait du succès puis quelqu'un d'autre leur pêcherait, t'sais. Faut faire attention là de nos jours avec les remplacements. Donc le réseau Comedy Central a confirmé, c'est ça, qu'il y aurait une pause et Jon Stewart mettra fin à un règne de 16 ans à la barre de la quotidienne. Son départ a été annoncé en février et comme je disais, c'est le Sud-Africain Trevor Noah qui s'est récemment joint au correspondant de l'émission qui va devenir chef d'antenne. On ignore à quelle date il va commencer son mandat. On y va avec Internet maintenant. Netflix, c'est la grosse nouvelle pour moi cette semaine. Netflix va diffuser 13 nouveaux épisodes de Full House. La sitcom des années 90, ben 80-90, La fête à la maison en français va avoir une suite. Yeah! Netflix a confirmé mardi dernier d'insistantes rumeurs. La fameuse série Full House qui a captivé des millions de téléspectateurs dans les années 80 et 90 va faire son retour prochainement. Netflix va en effet diffuser en 2016 13 nouveaux épisodes qui seront tournés prochainement, cet été qu'on dit. L'histoire se déroulera de nos jours et les acteurs originaux devraient reprendre leur rôle, ceux qui n'ont pas de job de multimilliardaire comme les jumelles Olsen. Les nouveaux épisodes de la série seront centrés sur DJ Tanner, la fille aînée de la famille Tanner qui n'était qu'une jeune adolescente dans les épisodes originaux. L'acteur John Stewart, c'est l'animateur du Daily Show. T'as déjà parlé de ça. L'acteur John Stamos produira ces épisodes et tiendra bien entendu son rôle de oncle Jesse. Le comédien avait le premier annoncé le retour de la série dans l'émission de lundi soir de Jimmy Kimmel Live. La fête à la maison, diffusée de 87 à 95, raconte l'histoire de Danny Tanner, qui a perdu sa femme et élève ses trois filles à l'aide de son meilleur ami et de son beau-frère. Candace Cameron Bure, c'est la femme du joueur de hockey que je sais jamais comment prononcer, Bure, qui jouait donc DJ Tanner. Jodie Sweetin, qui jouait sa petite sœur Stéphanie, et Andrea Barwick, qui campait l'excentrique voisine Kimmy, reprendront leur rôle. Celles qui vont jouer les équivalents des hommes dans la fête à la maison originale. Ça va être le même principe, mais viré à l'envers. Donc, Netflix est en train de négocier avec les autres acteurs, Bob Saget, Dave Coulier. Évidemment, les jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen ne seront certainement pas de la partie. Peut-être en apparition spéciale, pas sûr. Les nouveaux épisodes raconteront donc l'histoire de DJ qui est devenu vétérinaire à San Francisco et est à son tour devenue veuve alors qu'elle est enceinte de son troisième garçon. Et là, elle est veuve. J'ai confirmé avec mes sources sûres que c'est pas son copain Steve dans la série Full House d'origine qui est mort. Lui est encore vivant. Probablement qu'elle va finir avec à la fin de la nouvelle série. C'est un autre, Monsieur Fuller, en fait. C'est pour ça que l'émission va s'appeler Fuller House. C'est un jeu de mots avec le nom de famille de son mari décédé. Fuller. C'est spécial, hein? Bref, sa sœur Stephanie et sa meilleure amie Kimmy viendront alors s'installer chez elle pour l'aider à élever ses fils, et non pas ses filles comme dans Full House. Une histoire qui n'est pas sans rappeler la trame inversée des épisodes originaux, comme je viens juste de le dire. Et on reste chez Netflix qui prépare un documentaire sur la planète bleue. Une nouvelle série documentaire consacrée à la planète bleue, Our Planet, se montrera en 2019. Là, ça c'est loin, ça là. Avec l'aide d'Alastair Fothergill et Keith Scully, créateurs d'une production dans le même genre, Planète Terre. Composé de 8 épisodes, Our Planet souhaite faire découvrir aux téléspectateurs des zones sauvages encore jamais filmées, des calottes glaciaires aux profondeurs de l'océan en passant par des déserts et des forêts reculées. Animaux rares et espèces précieuses seront également au centre de ce documentaire qui a déjà nécessité 4 ans de développement. Our Planet marchera sur les traces de Planète Terre, première série documentaire entièrement filmée en HD que la BBC avait diffusée en 2006. Les mêmes créateurs, Alastair Fothergill et Keith Scully, seront derrière cette prouesse télévisée qui utilisera évidemment, comme c'est la première série HD planétaire, là, ça va être une des séries majeures. En fait, en 2019, ça va être loin de la première, là, mais une série majeure filmée en 4K. Voilà. Ça va donner une bonne raison pour les gens de se procurer une télé 4K, un peu comme Planète Terre était utilisée comme démo dans les Walmart de ce monde pour vendre des TV HD. Voilà, c'est tout pour Television. Un bon petit bloc de nouvelles. Je trouve ça cool. Il y avait un bon dosage Québec, Canada, international et Internet. Ça a très bien été. Tout à l'heure, on fera Merci Science, mais avant ça, une petite pièce de musique chiptune. Mm-hmm. On s'en va entendre l'artiste Mr. Beep. Voici Hornet's Assault, One Bit Chiptune, MPS, le Mathieu Plante Show. Sur C'est Fou! Dans la zone 89.1. We'll be right back. C'était Nintendo avec Fighter X Now Rock, précédé de Hornet's Assault par Mr. Beep. De ton Mathieu Plancho, l'émission où on parle de choses vraiment geek. Voici la chronique de technologie, science et médecine. Merci, science. C'est Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Je pense que c'est pas mal le résumé de la chose. Commençons avec D3 System pour diagnostiquer un cancer avec son téléphone intelligent. D3 System, un appareil inspiré de la technologie des smartphones, pourrait permettre d'établir à distance un diagnostic moléculaire de tumeurs cancéreuses et d'autres maladies à bas coût dans des régions dépourvues des dernières technologies médicales. Des chercheurs du Massachusetts General Hospital utilisent la technologie produisant des hologrammes pour rassembler des images microscopiques détaillées en 3D permettant des analyses numériques de la composition moléculaire des cellules et des tissus. Leur invention est décrite dans les comptes rendus de l'Académie américaine des sciences, le PNAS. Le PNAS, stop la musique, tellement comme wow! L'appareil expérimental appelé D3 System pour Digital Diffraction Diagnosis se compose d'un module d'imagerie avec une lampe à diode électroluminescent, donc une lumière LED, alimentée par une pile attachée à un smartphone, un téléphone intelligent, qui enregistre les données d'image en haute définition avec sa caméra. Le D3 est ainsi capable de mémoriser dans une seule image les informations moléculaires de plus de 100 000 cellules dans un échantillon de sang ou de tissu. Ces informations peuvent ensuite être transmises pour analyse à un serveur à distance, capable de produire des graphiques et ce via un réseau crypté. Les résultats sont rapidement renvoyés au centre de soins. Pour effectuer des analyses moléculaires des tumeurs, l'échantillon de sang ou de tissu est marqué avec des micro-billes de plastique programmées pour s'attacher aux molécules cancéreuses. L'analyse de l'image contenant les données moléculaires des échantillons permet ainsi de rapidement faire la distinction entre les molécules cancéreuses et les molécules saines. Un test pilote du D3 avec des lignées de cellules cancéreuses a permis de détecter la présence de protéines tumorales avec une exactitude et une précision équivalent au meilleur système actuel d'analyse moléculaire, selon ses inventeurs. Le D3 pourrait ainsi effectuer l'analyse simultanée de plus de 100 000 cellules. Les chercheurs ont ensuite effectué des analyses d'échantillons de tissus du col de l'utérus prélevés chez 25 femmes dont le frottis cervico-vaginal était anormal. Le D3 a permis de détecter rapidement et sans erreur les échantillons à haut risque de cancer, ceux à bas risque et bénins, obtenant les mêmes résultats que les systèmes conventionnels d'analyse. Les chercheurs ont aussi analysé des échantillons provenant de la biopsie de ganglions enflés de 8 personnes et détecté sans erreur les 4 atteintes d'un lymphome, un cancer du système lymphatique. Outre sa capacité à analyser la nature des protéines dans le sang et les tissus, le système a aussi été amélioré pour permettre de détecter avec une très grande sensibilité l'ADN, par exemple, du papillomavirus humain, le VPH, le virus responsable notamment du cancer utérin. Dans les différents tests pilotes effectués par ces scientifiques avec le D3, les résultats des analyses étaient disponibles en moins d'une heure pour 1,80$ par test. Selon eux, ce coût devrait baisser davantage avec des améliorations du système. Quand même, une excellente nouvelle dans la médecine. Comment concevoir maintenant une mémoire informatique plus rapide et moins énergivore? Des chercheurs de l'Institut électronique fondamentale, CNRS Université Paris-Sud et du CEA List ont décrypté les mécanismes physiques impliqués dans les mémoires informatiques magnétiques de nouvelle génération et montré que de tels mécanismes pouvaient être utilisés comme les synapses, de nouveaux types de systèmes neuro-inspirés capables d'apprendre comment stocker et restituer des informations. Donc des mémoires des ordinateurs du futur qui seraient inspirées du cerveau. Aujourd'hui, il existe deux grandes catégories de mémoire informatique, dispositifs essentiels à nos ordinateurs pour stocker l'information ou la restituer. Les mémoires volatiles sont capables de traiter un grand nombre de données dans un temps très court, mais elles sont dépendantes d'une alimentation électrique continue pour conserver les informations qu'elles ont enregistrées. À l'inverse, les mémoires non volatiles, comme les clés USB ou les CD, ne nécessitent pas de source électrique, mais elles sont beaucoup moins rapides. Une alternative est en cours d'élaboration, les mémoires magnétiques, le STM-RAM. Qui combine rapidité de traitement et indépendance énergétique, les données n'étant pas stockées sous forme d'une charge électrique, mais d'une orientation magnétique. L'un des problèmes majeurs de cette nouvelle technologie est le coût énergétique élevé de sa programmation. En effet, pour manœuvrer les jonctions tunnels magnétiques, les MTJ, nanocomposants de base de ces mémoires, on applique une tension électrique à leur borne. Si la mise sous tension n'est pas assez longue, la programmation peut être incorrecte avec un degré de hasard qui dépend de la durée de l'impulsion de programmation. On parle alors de la programmation probabiliste. Dans le cas d'un usage plus conventionnel de la mémoire pour lequel on souhaite une programmation qui exclut au contraire tout hasard, la mise sous tension des MTJ doit être prolongée pour s'assurer avec un niveau de confiance suffisant de leur bonne programmation. Cette stratégie de programmation entraîne de facto une consommation énergétique plus importante. Les chercheurs ont montré que la programmation probabiliste des MTJ peut devenir un avantage. Ils ont en effet imaginé une utilisation des MTJ comme synapses, comme des connexions d'un système dont le fonctionnement est inspiré du cerveau humain, c'est-à-dire consommant très peu d'énergie tout en ayant une très grande capacité de traitement de données. Une programmation probabiliste est alors une façon pour le système d'apprendre après plusieurs répétitions sa fonction. Comme pour les synapses du cerveau humain, plus les MTJ sont sollicités, plus l'information a de chances d'être enregistrée. Les simulations numériques réalisées par les chercheurs montrent qu'un tel système peut résoudre efficacement, c'est-à-dire rapidement et en consommant peu d'énergie, des tâches cognitives comme les analyses d'images ou de vidéos, contrairement au système de mémoire actuel. Les chercheurs peuvent désormais relever un nouveau défi en construisant un premier prototype de ce système de mémoire informatique neuro-inspiré. Et leurs travaux sont publiés en ligne dans la revue IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems le 15 avril dernier. Et le lien est sur assemblagerequis.com, évidemment. À l'Université Columbia, une équipe a mis au point une caméra vidéo qui tire l'énergie de son capteur d'image. Grâce à ce système, elle peut fonctionner en totale autonomie et filmer indéfiniment. Le procédé demande à être amélioré pour offrir une meilleure qualité, mais il est viable. Sous son aspect rudimentaire, la caméra vidéo qu'a conçue une équipe du département d'informatique de l'Université de Columbia à New York cache une innovation assez spectaculaire. Elle est capable de s'auto-alimenter en utilisant son capteur d'image pour produire de l'électricité. Concrètement, ça signifie qu'elle peut filmer indéfiniment, pour toujours. Lorsqu'il n'est pas en service, le capteur pourrait même alimenter un smartphone ou un objet connecté. Ce projet mené par les professeurs Shui Nayar, T.C. Chang du Computer Vision Laboratory, ou le CAV, sera présenté la semaine prochaine à l'Université Rice à Houston lors de l'International Conference on Computational Photography. Dans l'article intitulé « Towards the self-powered cameras », les chercheurs affirment que nous sommes à l'aube d'une seconde révolution en matière d'imagerie numérique. Selon eux, de grandes transformations vont se produire dans les domaines de l'Internet des objets, des vêtements intelligents, des capteurs environnementaux, de la médecine ou encore de l'imagerie scientifique. Je cite « L'un des défis majeurs à relever sera de développer des systèmes qui peuvent fonctionner pour une durée très longue, idéalement en permanence, sans alimentation externe. » C'est ce à quoi ils se sont attelés en créant cette caméra alimentée par son capteur. Pour cela, l'équipe de l'Université du CAV s'est appuyée sur un point commun technique que partagent les capteurs d'image et les cellules photovoltaïques des panneaux solaires. Dans un appareil photo ou une caméra, le capteur se compose de millions de photodiodes qui produisent un courant électrique lorsqu'elles sont exposées à la lumière. C'est ce mécanisme qui permet à chacune de mesurer l'intensité lumineuse. Or, les panneaux solaires utilisent eux aussi des photodiodes pour convertir la lumière incidente en électricité. La différence entre les deux procédés tient seulement au mode de fonctionnement de la photodiode, photoconductrice pour la caméra et photovoltaïque pour le panneau solaire. Partant de ce constat, les chercheurs ont donc créé un capteur d'image à l'aide de composants du commerce et fabriqué un boîtier de caméra avec une imprimante 3D. Chaque photodiode travaille en mode photovoltaïque. Le capteur est conçu pour fonctionner de la manière suivante. Durant la saisie de chaque image, les pixels commencent par enregistrer et lire l'image, puis ensuite, ils récupèrent de l'énergie pour alimenter le capteur. Les pixels sont réinitialisés entre ces deux étapes. L'électricité récoltée dessert un supercondensateur, qui est un composant intermédiaire entre une batterie et un condensateur. Au départ, celui-ci est préchargé afin de pouvoir allumer la caméra, mais ensuite, il est alimenté uniquement par le capteur. Et professeur Nayar précise que le système pourrait très bien recharger une batterie. Actuellement, le prototype fonctionne avec une luminosité ambiante de 300 lux et peut produire une image par seconde sans jamais s'interrompre. Cette intensité lumineuse correspond à ce qu'on trouve dans les bureaux ou appartements bien éclairés. Les chercheurs précisent qu'ils ont également développé un algorithme adaptatif gérant les variations de luminosité. Pour cela, ils ajustent la fréquence d'image de la caméra en fonction de la tension du supercondensateur et de la luminosité de la scène. Pour le moment, le capteur peut produire des images de 30 à 40 pixels, une définition médiocre, comme en témoigne une petite vidéo démonstration sur assemblagerequis.com, mais l'équipe de l'Université Columbia arguant que ses travaux s'appuient sur des composants existants et donc pas optimisés. Il existe une marge de progression pour créer un capteur plus performant, susceptible d'offrir une meilleure définition. C'est donc un sujet à suivre. Voilà pour Merci Science. Seulement 3 nouvelles, mais des nouvelles intéressantes, somme toute. Tantôt, on fera le segment geek CNX, mais avant ça, on retourne en musique chiptune, comme on aime tellement le faire. Mais tellement! Mais pas, c'est le fun! On s'en va entendre une pièce par Please Lose Battle. Elle s'appelle 11 O'Clock. On écoute ça tout de suite. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. La pièce assez minimaliste, 11 o'clock par Please Lose Battle au Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est le moment de la segment gay qu'on appelle des fois segment, des fois on l'appelle chronique, des fois on l'appelle morceau de l'émission, une pièce. C'est CNX. Ça, c'est un bloc. Ça pourrait être aussi, ça pourrait être plein de choses finalement. C'est Nix où on parle de choses geek, que ce soit technologie, informatique ou jeux vidéo. Commençons par les nouvelles du futur, comme on le fait toujours. La voiture volante d'Aeromobile pourrait être commercialisée à partir de 2017. La firme slovaque Aeromobile assure que son prototype de voiture volante, présenté dans le cadre du salon Top Mark à Monaco, pourrait être commercialisé d'ici 2 ans. Ils sont au début du processus d'homologation, a expliqué l'agence France Presse, le porte-parole de la marque. Il pourrait être assez long car il s'agit à la fois d'une voiture et d'un avion. Mais d'ores et déjà, le prototype fonctionne. Il compte 7 heures de vol et son moteur a déjà 40 heures de fonctionnement. En position automobile, sur route, les ailes de ce véhicule biplace long de 6 mètres se replient. L'atterrissage, lui, s'effectue sur 4 roues. Vous pouvez voir une petite vidéo de comment ça fonctionne sur assemblagerequis.com. Ce n'est certes pas la première fois qu'un projet de voiture volante est mis au point. Évidemment, mais la firme Aeromobile espère réussir à dépasser le stade du simple prototype pour passer à une commercialisation en série une fois la certification obtenue. Le modèle pourrait être commercialisé aux alentours d'$1 million. En fait, ça dit $1 million, je m'excuse. Ah, j'étais proche. C'est ça, à peu près. Pour le reste, c'est des citations de gens concernés, pas super intéressant, mais allez voir la vidéo, ça c'est vraiment cool. La Defense Advanced Research Projects Agency, ou la DARPA, planche sur la programmation de logiciels capables de s'adapter automatiquement aux changements pour éviter les mises à jour logicielles. De tels programmes pourraient ainsi fonctionner plus de 100 ans sans mise à niveau. C'est derrière le nom de code BRASS pour Building Resource Adaptive Software Systems que la DARPA cache son nouveau et ambitieux projet, la conception de logiciels capables de s'adapter automatiquement aux changements sans avoir besoin d'être reprogrammés. Finalement, la fin de Windows Update, c'est ce que j'en retiens. Officialisé le 8 avril dernier, le programme vise donc à affranchir certains logiciels potentiellement sensibles des cycles de mise à jour souvent critiques, car mettre à jour un logiciel prend du temps et coûte de l'argent, des composantes qui poussent parfois à faire traîner la procédure. Clairement, ce qui peut rendre le logiciel vulnérable. Évidemment, ceux qui font pas leur mise à jour parce que vous y croyez pas, je vous respecte là-dedans, mais par contre, vous avez tort. C'est parce qu'il y a plein de trous de sécurité dans les... qui sont patchés par les patchs de Windows, entre autres. Sachez-le, c'est comme ça. L'objectif de Brass est de réaliser des progrès fondamentaux dans la conception et la mise en place de logiciels systèmes sur le long terme, suffisamment robustes et complexes pour résister aux changements physiques et logiques de leur écosystème. Ces avancées nécessiteront le développement de nouvelles abstractions linguistiques, de méthodes formelles et de programmes d'analyse de ressources destinés à surveiller les changements au sein de l'écosystème numérique environnant. La DARPA compte placer la barre très haute et estime que de tels programmes pourraient être autonomes sur une durée de plus de 100 ans, mais le travail s'annonce très long pour en arriver là. L'agence prévoit déjà 4 ans de travail préliminaire pour définir les prérequis en matière d'algorithmes notamment. La DARPA accepte d'ores et déjà les propositions de recherche qui lui permettraient d'avancer concrètement sur le projet. J'ai très hâte de ne pas avoir à faire de mise à jour Windows, vous aussi, surtout le patch Tuesday, mardi passé, c'est le patch Tuesday de Microsoft. C'est long, les maudites mises à jour de Microsoft. Maintenant, la nouvelle voiture improbable de la NASA. La NASA qui vient de dévoiler une voiture électrique complètement autonome, pour le moins surprenante, un petit buggy au design très spatial avec 4 roues indépendantes. Le MRV pour Modular Robotic Vehicle, soit vehicle, soit en français véhicule modulaire robotique, merci, hein, c'est assez littéral, a été conçu par la NASA dans le but d'améliorer les véhicules électriques de notre bonne vieille planète Terre, mais aussi pour se préparer à rouler sur Mars. En termes de caractéristiques, ce petit buggy électrique ne pèse que 900 kg. 800, ça a été bien trop léger. 900 kg. Et atteint presque les 100 km d'autonomie. Par contre, sa vitesse maximale ne dépasse pas les 65 km/h pour l'instant. Côté conduite, un volant et un levier de vitesse ont été spécialement ajoutés pour répondre aux exigences du transport urbain. Mais la voiture est également dirigeable par télécommande et peut même fonctionner en totale autonomie. Nous ne sommes malheureusement pas prêts de croiser le MRV sur nos routes puisque les lois ne permettent actuellement pas aux voitures autonomes de circuler librement. Par ailleurs, les ingénieurs en charge du projet ont été particulièrement surpris par les capacités du petit buggy, mais plus encore par le côté amusant qui s'en dégage. Pourtant, initialement, la dimension plaisir n'était absolument pas recherchée par l'équipe, mais tout le monde est ravi du résultat final. Il y a une petite démonstration, encore une fois, en vidéo sur assemblagerequis.com. Des universitaires américains se sont penchés sur la question du mal des transports appliqués aux voitures sans conducteur. L'étude qui en découle évoque une potentielle recrudescence des personnes malades en déplacement dans des véhicules autonomes. Les voitures autonomes pourront apporter certains avantages aux voyageurs, mais également certains inconvénients à ne pas négliger. L'un d'eux est mis en avant dans une étude menée par des chercheurs de la University of Michigan Transportation Research Institute qui explique que le développement des voitures sans conducteur devrait s'accompagner de celui du mal des transports. En d'autres termes, davantage de personnes pourront être malades dans ce type de véhicule, en particulier ceux qui ont l'habitude de conduire. La raison, c'est qu'à partir du moment où on contrôle pas le véhicule soi-même, il est impossible d'anticiper de manière optimale les changements de vitesse, les moments où la voiture tourne et toute autre manœuvre sur la route. Or, le mal des transports est justement lié au fait de mal anticiper les mouvements du véhicule, ce qui provoque un conflit entre le sens de l'équilibre et les informations visuelles. Les chercheurs rappellent, à juste titre, que le mal des transports touche bien plus de passagers que le conducteur de véhicule. Est-ce qu'il ne va donc pas aller en s'améliorant? Pour leur recherche, Michael Sivak et Brandon Schottel ont questionné 3200 personnes adultes à travers le monde pour leur demander ce qu'ils feraient s'ils se trouvaient dans une voiture autonome. 37% ont cité une activité connue pour aggraver le mal de transport, comme lire, regarder un film ou envoyer des messages textes. Pour lutter contre la recrudescence de gens malades dans les voitures autonomes, les chercheurs recommandent certaines mesures aux constructeurs automobiles, opter pour de grandes surfaces vitrées permettant aux passagers de voir un maximum à l'extérieur et bannir les sièges pivotants pour que les passagers soient toujours face à la route. Ça, c'est tout à fait vrai. Les sièges entièrement inclinables sont, eux, recommandés. C'est sûr que quand on regarde le côté, moi, c'est le pire. Quand je regarde vers dehors du côté passager, c'est là que j'ai... C'est pas très plaisant. Dans les nouvelles maintenant qui ne sont pas vraiment du... Ben en fait, c'est du futur, mais du futur rapproché, barre oblique, présent, pas trop loin de nous, tu sais. Donc, Montréal. Allô? Bonjour. On me dit que c'est Montréal. Souhaite implanter un réseau d'autopartage de voitures électriques en 2016. C'est ce que je voulais dire par le futur rapproché. Les voitures électriques, c'est là, mais personne n'en a, tu sais. Donc, le maire... Un certain Denis Coderre, non c'est pas vrai, Denis Coderre a annoncé cette semaine qu'il souhaite doter sa municipalité d'environ 250 voitures électriques en libre service dès le printemps prochain. Du même souffle, la ville de Montréal a annoncé qu'un appel d'offres invitant les entreprises internationales à soumettre leur candidature sera lancé en juin. Le mandat consiste à développer un modèle spécifiquement montréalais. Un autre appel de proposition concernant le déploiement de cette flotte de véhicules à des bornes de recharge sera lancé en octobre. La ville a également annoncé que l'ensemble de ces véhicules qui pourraient être exploités par les citoyens sera également muni d'une vignette universelle afin de faciliter le stationnement dans la métropole. L'initiative de la ville est présentée comme une mesure visant à atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30% par rapport au niveau de 1990 d'ici 2020. En ignore toutefois si une seule ou plusieurs entreprises seront retenues pour la mise en œuvre du projet. Donc c'est un réseau d'autopartage de voitures électriques pour ceux qui n'avaient pas suivi. Soulignons que l'une des deux entreprises qui offre des voitures en libre-service à Montréal, Communauto, opère déjà des véhicules électriques dans la municipalité. Son rival Car2Go s'est montré réticent à embarquer dans l'aventure malgré le fait qu'il offre déjà des véhicules électriques dans d'autres marchés. La principale raison évoquée par l'entreprise est l'absence d'un nombre suffisant de bornes de recharge. On s'entend que c'est assez nécessaire. Et puis, c'est ça, le reste des détails un petit peu moins intéressants. Le reste de l'article est sur assemblagerequis.com. Les avions connectés maintenant, la nouvelle cible potentielle des pirates informatiques. Les pirates informatiques pourraient exploiter les appareils de divertissement des avions commerciaux de plus en plus connectés à Internet pour pervertir les systèmes électroniques du cockpit, selon un rapport du gouvernement américain. La cybersécurité en vol a été identifiée comme un problème à l'importance croissante sur lequel l'Agence fédérale américaine de l'aviation, la FAA, commence tout juste à se pencher, c'est ce qu'a relevé l'organisme d'audit du Congrès, le GAO. Dans un article drôlement écrit de l'agence France Presse. Je cite, les technologies modernes de communication, y compris la connectivité IP, donc ça c'est les services Internet, sont toujours plus utilisées par les systèmes des avions, permettant à des individus non autorisés d'avoir accès et de compromettre les systèmes avioniques de l'appareil. Jusqu'à récemment, l'électronique qui servait à contrôler et à piloter les avions, donc l'avionique, fonctionnait de manière autonome. Cependant, d'après la FAA et les experts auxquels ils ont parlé, les réseaux IP pourraient permettre à un pirate d'avoir accès à distance au système avionique et de les compromettre. En théorie, des boucliers antivirus, donc des pare-feux qu'on appelle au Québec, mais en anglais des firewalls, et en France apparemment des boucliers antivirus, protègent toute intrusion par des utilisateurs des systèmes en cabine, comme les passagers se servant des dispositifs de divertissement en vol. Mais 4 experts en cybersécurité ont expliqué au GAO que ces pare-feux étaient des logiciels et donc ils pouvaient être tout à fait eux-mêmes piratés comme tout autre logiciel. La FAA n'a pas encore mis en place de régulation en la matière dans le processus de certification des nouveaux avions, mais des responsables ont précisé à l'organisme d'audit que la FAA se penchait sur cette question. Interrogé par l'agence France Presse sur le rapport du GAO, un porte-parole de Airbus à Washington a assuré que l'entreprise avait constamment en tête l'objectif de maintenir les normes les plus élevées en matière de sécurité, mais nous ne révélons aucun détail concernant les mesures de sécurité car nous estimons que cela serait contre-productif. Tout à fait. Son rival Boeing a expliqué de son côté qu'aucun changement au plan de vol enregistré dans l'ordinateur de bord ne peut être effectué sans le feu vert du pilote. Maintenant, un sujet très léger, Facebook qui durcit sa guerre contre les faux j'aime. Facebook a indiqué avoir triplé depuis les 6 derniers mois le nombre de faux j'aime qu'il détecte et bloque avant qu'ils ne soient enregistrés sur les pages du réseau social. L'annonce est faite sur l'un des blogs du groupe américain parlant de ses ingénieurs chargés de la sécurité qui n'indique pas précisément combien de faux gemmes ont ainsi été détectés. Il assure en revanche que du fait de ses initiatives en la matière, il est devenu extrêmement difficile pour les gens qui vendent des faux gemmes de vraiment tenir leurs promesses envers des clients qui les payent et qu'un grand nombre d'entre eux ont même dû mettre clé sous la porte. L'achat du j'aime sur Facebook ou de faux fans sur d'autres réseaux sociaux est une manière d'augmenter de manière fictive sa popularité sur Internet, une pratique qui peut s'avérer tentante pour de jeunes artistes, de petites entreprises peu connues ou des hommes politiques en campagne, par exemple. Certains vendeurs de faux j'aime utilisent des programmes informatiques et des robots pour créer des identités numériques fictives ou des armées d'employés peu payés dans des usines à clics. Mais d'autres ont aussi recours à de vrais internautes encouragés à aimer par des micro-rétributions ou des petits cadeaux. Ces pratiques peuvent toutefois poser problème aux réseaux sociaux car elles nuisent à la crédibilité de leurs statistiques d'utilisation qui jouent un rôle important pour les annonceurs publicitaires. Donc on précise que lorsqu'on bloque ou supprime des j'aime fictifs, Facebook prévient les administrateurs des pages concernées. Et là les gens se mettent à chialer, j'ai perdu tant de fans, moi mais c'était pas vraiment des fans, fait que ta gueule. On assure toutefois que les pratiques frauduleuses ne concernent qu'une petite fraction de l'activité générale sur le réseau. Toujours au sujet de Facebook, on modifie la hiérarchisation du fil d'actualité. Facebook a annoncé des modifications dans la hiérarchisation de son fil où ses membres lisent les publications de leurs amis ou des pages de marques ou d'entreprises qu'ils ont aimées sur le réseau social. L'un des changements principaux vise à garantir que les contenus postés directement par les amis dont vous vous souciez, comme des photos, des vidéos, des mises à jour de statut ou des liens, soient plus en haut, de manière à ce que vous risquiez moins de les manquer. Pour faire de la place, il faut tasser des affaires, donc Facebook va faire descendre dans la liste les commentaires faits par les amis de l'utilisateur sur une information de presse. Moi, j'avais jamais compris pourquoi je voyais ces affaires-là, mais je les voyais toutes passer. L'ami d'un ami a commenté sur l'article de quelqu'un. Je m'en contrefiche, tu sais, complètement. Une des raisons que Facebook est très, très plate à lire pour moi depuis quelques temps, j'espère que cette modification-là va rendre ça plus intéressant. J'ai l'impression que oui, moi. Donc, Facebook va assouplir une règle aussi en vigueur jusqu'ici qui empêchait les gens de voir plusieurs publications de la même source à la suite. C'est censé améliorer l'usage du site pour les gens qui n'ont pas beaucoup de contenu disponible. Ces changements pourraient réduire les visites sur les sites de journaux quand des liens vers leurs articles sont partagés et commentés sur Facebook. Le réseau social est toutefois aussi, selon les médias, en discussion avec des groupes de presse pour tenter d'héberger directement leurs articles sur le réseau plutôt que de publier des liens vers leur propre site. Facebook laisse toujours ses utilisateurs choisir s'ils veulent regarder leur fil d'actualité avec des contenus hiérarchisés selon des algorithmes ou encore par ordre chronologique. Donc l'ordre chronologique qui bloque bien les affaires aussi ne te montre vraiment, vraiment pas tout. Tout est dans le supposé ticker scroll box de patente à gosse dans le coin qui vire tout le temps et qui me donne le mal du mouvement. C'est là-dedans que ça se passe apparemment. Les affaires qui, moi, pour moi, sont importantes, elles s'affichent dans un truc pas important qui défile tout seul. Les affaires pas importantes s'affichent sur la page d'accueil. J'ai jamais vraiment saisi le but. Mais bon, c'est peut-être juste moi. Twitter maintenant, tant qu'à parler de réseaux sociaux, allons-y avec Twitter, qui veut sévir contre les tweets injurieux. Après Facebook, le mois dernier, Twitter a annoncé qu'il allait sévir contre les tweets incitant au racisme et à la violence et plus généralement tous ceux qui franchissent les limites de la liberté d'expression pour propager des discours de haine. Le réseau va renforcer son équipe chargée de faire appliquer ces nouvelles règles et va investir lourdement dans l'infrastructure consacrée à la détection de contenus injurieux, a expliqué la directrice juridique de Twitter sur le Washington Post. Le mois dernier, Twitter avait modifié ses règles d'utilisation pour bannir la pornographie de revanche sur son réseau. On n'avait pas parlé parce que tout le monde en parlait. C'est donc la diffusion de photos ou de vidéos pornographiques sans le consentement des personnes qui y apparaissent. Dans le cadre de cette nouvelle politique, Twitter va revoir le champ de contenu interdit qui englobera désormais les messages menaçants. Il y a un mois, Facebook avait clarifié ses règles sur ce qui est convenable de poster. Selon les nouvelles directives mises en ligne, Facebook avait notamment indiqué qu'il n'autorisait plus la présence de groupes qui font l'apologie d'activités terroristes, d'organisations criminelles ou qui promeuvent la haine. C'est drôle parce que moi et un groupe d'amis, on avait complètement dit à Facebook sans cesse, on avait fait une plainte. Reporter quelqu'un, en tout cas, peu importe le terme, par rapport à une page anti-homosexualité. Donc, on avait tous fait le même mouvement et Facebook disait non, c'est bien correct ça, il n'y en a pas de trouble, il y en a droit, il y en a bien correct. Mais tu sais, c'était clairement de la haine. En tout cas, on va voir si ça va changer avec le temps. Hein? Maintenant, WikiLeaks publie les archives de Sony. 5 mois après le scandale du piratage spectaculaire de Sony Pictures, WikiLeaks a publié 30 287 documents des archives du groupe avec la possibilité d'y faire facilement des recherches. Dans un communiqué, le site lanceur d'alerte a précisé qu'il mettait à disposition 30 287 documents de Sony Pictures Entertainment et 173 132 courriels de et vers plus de 2 200 adresses de SPE qui, selon lui, relèvent du domaine public. On peut désormais faire des recherches par nom ou par mots-clés et il y a plusieurs sujets qui en sont sortis. Des données qui avaient déjà été mises en ligne en novembre dernier alors que SPE, filiale du groupe japonais Sony, avait été victime d'un piratage massif. Les données personnelles de 47 000 employés et tiers, dont des vedettes, avaient été volées, ainsi que des documents financiers, scripts, courriels, etc., dont certains avaient été mis en ligne illégalement, tout comme 5 films du studio. Les pirates avaient exigé que Sony Pictures renonce à diffuser la comédie sur le leader nord-coréen Kim Jong-un, The Interview, à la Maison-Blanche. Et la Maison-Blanche avait accusé la Corée du Nord d'être derrière ce piratage qui avait tendu un peu les relations entre les deux pays. Le film, d'ailleurs, n'avait bénéficié finalement que d'une sortie limitée. Sony a condamné la rediffusion de ces données, estimant que les informations personnelles ne relevaient pas du domaine public et que Wikileaks poursuivait l'œuvre des pirates informatiques qui ont nui aux employés de l'entreprise. Wikileaks explique que certaines histoires sont sorties à l'époque, mais il n'était pas possible de faire des recherches dans les archives originales et elles ont été retirées avant que le public et les journalistes puissent gratter la surface. On y découvre notamment le PDG Michael Linton dînant avec le président Obama et les employés collectant des fonds pour les démocrates, notamment le gouverneur de New York Andrew Cuomo. Bref, tout plein de grosses controverses qui sortent à cause de ce dossier-là. On va chez Wikipédia maintenant, qui bloque le compte d'un politicien. Le site a bloqué un compte contributeur à la suite de soupçons portant sur l'identité de son utilisateur, qui ne serait autre que le président du Parti conservateur britannique, qui s'en serait servi à des fins personnelles. L'encyclopédie en ligne avait été alertée par le quotidien The Guardian, qui a mené sa propre enquête. Selon le quotidien, le compte baptisé Contribs X aurait été utilisé par Grant Shapps, le président des Tories, ou quelqu'un agissant en son nom, pour alimenter sa propre page et notamment supprimer les mentions qui lui étaient désagréables. Il aurait aussi été utilisé pour faire des contributions négatives sur les fiches Wikipédia des concurrents politiques de M. Shapps au sein de son propre parti. M. Shapps a vivement démenti ces informations, qu'il a qualifiées de catégoriquement fausses et diffamatoires. Je cite, « Tout cela a certainement été imaginé par le service de presse du Parti travailliste. » Ah, les Tories et le Labour Party, coude à coude dans les intentions de vote en vue des élections législatives du 7 mai prochain. L'enquête, qui a d'ailleurs abouti à la clôture du compte, a été menée en toute indépendance du Guardian et aucune information confidentielle n'a été partagée avec eux à aucun moment. Une plateforme québécoise de vente en ligne va voir le jour. Le regroupement des commerçants électroniques du Québec, le RCEQ, annonce la création du site vendenligne.com, une place de marché québécoise. Moi, ce qui me surprend dans le site vendenligne.com, c'est que la plupart des Québécois savent pas comment conjuguer « va en ligne ». Ils vont mettre un S, un T, un H. Mais bon. Le projet réunira plusieurs commerçants électroniques d'ici. Il a pour but de présenter aux consommateurs québécois très actifs en matière d'achat en ligne une offre variée et abondante de produits. La plateforme vaenligne.com, vaenligne.com, sera lancée officiellement l'automne prochain afin d'être prête pour la saison forte des achats de Noël. La page d'accueil en pré-lancement procure un avant-goût des produits et des services qui y seront proposés. Elle comporte aussi de l'information brève sur le commerce électronique au Québec, en plus de permettre de s'inscrire afin d'être averti en avant-première de son lancement. Par cette initiative, la RCEQ cherche à améliorer la présence des commerçants électroniques québécois auprès de la population, puis de favoriser le développement économique par l'achat local à la grandeur du Québec. Les villes de la Mauricie tardent à offrir le Wi-Fi gratuit dans leur centre-ville, nous dit Radio-Canada. Plusieurs municipalités un peu partout au Québec et même dans le monde offrent un réseau Internet sans fil gratuit à leurs citoyens dans les centres-villes. En Mauricie, les plus importantes agglomérations tardent à emboîter le pas. Seul Shawinigan l'offre depuis 2008. Certaines villes l'ont déjà offert, mais elles ont abandonné le projet, comme Latuc, alors que Trois-Rivières cherche toujours une façon de l'offrir. À Louisville, une erreur technique retarde l'accès de jour au réseau Internet sans fil, qui a coûté près de 10 000 $. C'est que le relais qui émet le signal a été installé, mais il est branché sur des lampadaires qui s'allument le soir grâce à un œil magique. Donc, ils ont Internet seulement quand les lampadaires sont ouverts. Internet n'est pas accessible quand les lampadaires sont fermés. La situation devrait être corrigée d'ici 4 à 6 semaines. Sumo, c'est comme la chose la plus drôle que vous avez jamais entendue de votre vie. Le maire de Louisville, Yvon Deshaies, reconnaît que la municipalité a tardé avant d'offrir le Wi-Fi à ses citoyens. Ouais. À Trois-Rivières, les citoyens ont pu bénéficier d'Internet sans fil au centre-ville jusqu'à l'an dernier. La ville a toutefois cessé de l'offrir à la suite d'un problème avec des commerçants qui vendaient leur accès Wi-Fi à leurs clients et qui craignaient des pertes de revenus. Ben oui. La ville a alors trouvé un système pour couper le signal dans les commerces et donc leur permettre de continuer à vendre leur accès Internet. Dans le fond, continuez de nous crosser! C'est un peu ce que ça veut dire. Mais ce système causait d'autres problèmes, selon le porte-parole de la ville. Les noms sont drôles. Yvan tout le temps. Ça dirait tous des jeux de mots. Donc, il y avait des coupures régulièrement et ça faisait en sorte que les gens devaient se reconnecter à plusieurs occasions pour avoir le service. Alors, une situation comme ça était impossible à tenir, dit-il. Et à la suite, les citoyens ont eu accès gratuitement à Internet de 2011 à 2014 au centre-ville, mais les élus qui ne voulaient plus assumer les coûts du réseau ont mis fin au projet après 3 ans. C'est un service public, Internet, là. C'est un service public, mais bon. Que voulez-vous? Maintenant, il va y avoir une version française de la boutique pour livres Next Issue pour le 20 avril. Ça sent, c'est déjà commencé. Il y a deux jours. Donc, le kiosque de magazine numérique Next Issue, lancé en octobre 2013 par Rogers Media et Next Issue Canada, a sa version française depuis deux jours. La version française de Next Issue propose, en français, prochain mouchoir. Next Issue. Tissue, c'est un... Non. En plus d'une interface entièrement en français, plus d'une vingtaine de magazines québécois en français et plus de 100 magazines en anglais, les magazines en français sont aussi offerts dans la version anglaise de Next Issue. Les magazines en français sur Next Issue sont 5 ingrédients 15 minutes, Allo Vedette, Châtelaine, Custom Tour, Décor Renault, Enfant Québec, Full Fille, Gabriel, Géoplénaire, Je Cuisine, Je Décor, L'Actualité, Loulou, Maison et Demeure, Motojournal, Protégez-vous, Quadnet.ca, Québec Science, Sélection du Raiders Digest, Ricardo, Riche et Célèbre et Vélomag. Je suis surpris qu'il y ait encore autant de magazines au Québec. Next Issue propose également des magazines en anglais populaires comme Flair, GQ, National Geographic, People, Sportsnet, Sports Illustrated et Vanity Fair. Next Issue coûte 10$ par mois. C'est un petit peu plus que le prix de Netflix pour des magazines. Des magazines, mais bon. Ça inclut les mensuels, les bimensuels. Ça permet de parcourir les magazines, dont les anciens numéros, découvrir de nouveaux magazines sans frais supplémentaires. Pour 15$, les abonnés ont aussi accès à toutes les publications hebdomadaires, y compris les anciens numéros. De plus, quantité de titres propose du contenu additionnel qui enrichit l'expérience. Par exemple, dans l'édition numérique de Ricardo, on offre un contenu interactif et enrichi tel que des conseils supplémentaires, des vidéos pratiques, des photos additionnelles et des liens vers le site. Prochain mouchoir est accessible à partir de la majorité des appareils sans fil, notamment les tablettes et téléphones intelligents Android, ainsi que l'iPad, iPod Touch, iPhone et Windows 8. Il est possible de se connecter à un même compte, au moyen de 5 appareils différents et d'obtenir 30 jours gratuits lors de l'inscription Next Issue. Ça a l'air d'une pub dit comme ça, mais quand même... Un service qui a sa place, apparemment. Prochain numéro est la traduction littérale de Next Issue pour ceux qui se demandent si je suis sérieux. C'est premier degré des fois. Google offre une visite virtuelle des studios de Abbey Road pour terminer. Google utilise les technologies de Street View pour offrir une visite virtuelle et musicale des légendaires studios d'enregistrement Abbey Road à Londres. Nommée Inside Abbey Road, la nouvelle visite virtuelle proposée par Google se détache de Street View et s'offre un site interactif pour laquelle l'utilisation d'un casque est conseillée. Un casque, évidemment, de musique, là. Un écouteur. C'est pas si violent que ça, Abbey Road quand même. Au programme, visite des studios d'Abbey Road, lieu d'enregistrement de très nombreux albums musicaux depuis 1931, dont l'album des Beatles, évidemment du même nom sorti en 1969. La particularité de cette visite est d'être guidée par une voix hors champ, mais également de permettre de naviguer dans les différents studios d'enregistrement à travers des scènes animées et bruitées et non fixes, comme c'est très généralement le cas avec Street View. Je cite, nous avons fait un scan LIDAR de chaque studio pour obtenir pour chacun un modèle à 360 degrés. Nous avons ensuite capturé les espaces avec des panoramas à 360 degrés au format haute définition. Commentaires audio, vidéo, objets cliquables et même mini-jeux pour tester ses compétences en mixage et création de pistes. Parsem, c'est une visite virtuelle très riche. Une expérience d'autant plus agréable que, malgré des demandes fréquentes de la part de visiteurs potentiels, les studios ne sont pas ouverts au public. La visite est proposée par le biais d'un navigateur traditionnel sur ordinateur, mais fonctionne aussi sur smartphone et tablette. Allez voir sur Inside Abbey Road pour en faire l'expérience. Le site est insideabbeyroad.withgoogle.com. Donc, .withgoogle.com. C'est un peu bizarre comme adresse, mais quand même, allez voir le lien sur assemblagerequis.com si vous ne vous en rappelez pas. Voilà. C'est tout pour le segment Geek CDX. Il nous reste encore à faire, comme on le fait à la fin de cette chronique habituellement, les jeux vidéo les plus loués en club vidéo. Donc, allons-y. Position numéro 10, Grand Theft Auto 5 sur Xbox One. En 9e, Borderlands The Handsome Collection sur PS4. En 8e, NHL 15 sur Xbox 360. En 7e, Dark Souls 2 Scholar of the First Sin sur PS4. En 6e, Mario Party 10 sur la Wii U. En 5e, Battlefield Hardline sur la Xbox One. En 4e, le même jeu sur la PS4. En 3e, Bloodborne sur la PS4. En 2e, Mortal Kombat 10 sur la Xbox One. Et en 1e, c'est Mortal Kombat 10 sur la PlayStation 4. Voilà pour les jeux vidéo les plus loués dans les clubs vidéo. Voilà. C'est tout pour ça, on passe en chiptune. Oui, c'est vrai, on est rendu là. On s'en va entendre une pièce de OB111. Ouais. Voici l'extrait Chunky Super Chocolate Brownies. Manum, MPS, le Mathieu Plante Show. C'est fou. 80 FM. fou de découverte. C'était Obi-Wan 11 avec Welcome to Molly Pop's Kingdom. Et avant ça, c'était Chunky Super Chocolate Brownies avant la pause. Et vous vous dites peut-être, il me semble qu'ils se ressemblaient les deux pièces. Ben, c'était le même artiste, Obi-Wan 11 pour les deux. Vous êtes toujours au Mathieu Plante Show. Et maintenant, c'est le moment de passer à notre série musicale spéciale qu'on a commencé la semaine passée. Dans ce cas-ci, c'est une très courte série, je vous dirais, en seulement deux semaines, cinq pièces. La semaine passée, ce qui joue derrière moi, vous reconnaîtrez peut-être. C'était la série Nintendo RPG Tribute Volume 1, A Mana Trigger. C'est une compilation des meilleures chansons de deux séries légendaires de Nintendo, deux jeux de rôle, donc Seiken et Sensu, qu'on connaît sous le nom de Mana, et Chrono Trigger. Quand il était jeune, l'auteur a toujours adoré jouer pendant des heures et des heures sur sa Super Nintendo avec ses séries de jeux RPG éditées par Squaresoft et Enix, ou Enix, dépendant des gens. La musique était tellement puissante qu'il a décidé de recréer et réarranger cette merveilleuse musique sur son petit piano. Donc, la musique originale, composition de Yasunori Mitsuda et Hiroki Kikuta, reprise par lui. C'est la musique de Sébastien Ridé, voilà, qui reprend ça. Arrangé, enregistré, édité et produit par Sébastien Ridé, qu'on connaît aussi sous le nom de SR Music. Aujourd'hui, on va entendre les deux dernières pièces. Celle qui joue derrière moi est celle qui avait terminé le bloc la semaine passée. Donc, allons-y avec la quatrième pièce, c'était Chrono Piano. Tout de suite, au Mathieu Plante Show, suivra Ocean of Mana dans Nintendo RPG Tribute Volume 1, Mana Trigger, MPS, le Mathieu Plante Show. Sur C'est fou. Thank you. C'était Ocean of Mana et Chrono Piano a débuté ça sur la compilation Nintendo RPG Tribute Volume 1 Mana Trigger. On peut s'attendre à une suite pour cette compilation par Sebastian Reid sur la musique de ses jeux de rôle sur la Super Nintendo. Voilà, on arrive déjà presque au prochain bloc. On commencera pas une chronique tout de suite, sinon ça va mener la pub à trop tard. Retournons en chiptune déjà, ça sera pas un bloc où on a parlé beaucoup. C'est Sparky Rogers qu'on s'en va entendre. Voici Flawbot tout de suite. 89 FM, c'est fou et c'est le Mathieu Plante Show. Et en passant, assemblagerequis.com pour télécharger la compilation qu'on vient de faire. C'est la fin de cette série-là. Download it! We'll be right back. j'aime bien celle-là, moi. Power Supply et Wow, précédé de Flawbot avec Sparky Rogers. Ça, c'est le nom de l'artiste. La pièce s'appelle Flawbot. Vous êtes au Mathieu Plancho et maintenant, ben, je pense qu'on est dû pour une petite session de C'est un fait, t'inquiète des chons. Ouais. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait Tech Edition, la chronique dans laquelle on parle de choses véridiques et vérifiables qui se sont passées cette semaine, la semaine passée et l'autre avant dans l'histoire parce qu'on a pris du retard avec cette chronique-là, disons. On n'a rien fait de C'est un fait Tech Edition depuis le 2 avril. En fait, c'est faux, depuis le 1er avril, parce qu'on est rendu au 2 avril. Commençons en 1978, le brevet expirait pour George de Mestral et son invention suisse, en fait, d'un crochet et de petites boucles ensemble, du velcro. Le brevet a expiré, donc les enfants partout dans le monde n'avaient plus à s'en faire avec les bouclages de souliers, parce que maintenant, les velcro étaient disponibles partout. En 1980, Microsoft Corporation annonçait leur premier produit matériel, la Z80 Soft Card pour Apple. C'était un microprocesseur sur un circuit imprimé qui se branchait dans l'Apple II et qui se vendait pour $349 juste la pièce. En 2014, loin dans l'histoire en 2014, Amazon annonçait Fire TV, une boîte qui allait sur la télé, ou ce qu'on appelle une set-top TV, ça va pas nécessairement sur la télé, là, mais autour de la télé, pour livrer des émissions de télé en ligne aux États-Unis, bien sûr, et des jeux vidéo. Il y avait aussi la commande vocale qu'on disait dans la télécommande Bluetooth, dans ce lointain passé qu'on appelle 2014. Le 3 avril 1973, Martin Cooper, le General Manager chez Motorola Communication Systems Division, hein, a fait le premier appel sur un téléphone portable d'une rue de New York à Joel S. Engel, chez leur rival Bell Labs. Donc, il appelait un gars de chez Bell, c'était lui le monsieur de chez Motorola. Il faisait le premier appel téléphonique sur un portable, sur un téléphone cellulaire. C'était cool, ça, en 1973. En 2000, le US District Judge Thomas Penfield Jackson a finalement trouvé coupable Microsoft d'un viol, d'avoir violé les lois d'antitrust au pays en utilisant sa position en tant que monopole dans les systèmes d'exploitation pour ordinateurs personnels, disant que ça empêchait la compétition. Évidemment, les produits Microsoft qui sont par défaut sur pas mal toutes les machines vendues dans le monde. En 1975, on passe au 4 avril, Bill Gates et Paul Allen, tiens, parlant de Microsoft, ils ont formé un petit partenariat à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Oui, leur aventure s'est nommée Microsoft, mais avec un trait d'union micro, trait d'union soft. En 1994, Mark Anderson et Jim Clark fondaient Mosaic Communications Company, qu'ils ont plus tard renommé Netscape Communications Company. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Anderson a développé le Mosaic Browser, donc un furteur web, alors qu'il était au National Center for Supercomputing Applications, la NCSA, à l'Université de l'Illinois. En 2013, Facebook annonçait Facebook Home, une application Android qui prenait tout l'écran d'accueil et l'écran de lorsque tu barres ton téléphone, ça prenait en charge tout, et ça devenait ton accueil. Donc, Facebook était ton accueil, il y avait des petites chat heads. Il y a encore des restants de ça sur les Android. Quand vous voyez les petites faces de quelqu'un popper dans des bulles, ça vient de là, ça vient de Facebook Home. C'était les chat heads, c'était une des caractéristiques principales de Facebook Home, qui était un flop total. Le HTC First, qui est un téléphone cellulaire, est arrivé le 12 avril 2013. C'est le premier téléphone à avoir Windows, à avoir Facebook Phone. C'est le premier téléphone Facebook Phone, dans le fond, qui avait Home comme programme par défaut pour faire chier. C'était tellement de mauvaises idées. Baser ta vie autour de Facebook n'est pas une bonne idée. Ça enlève toute productivité si ton Facebook est toujours actif, t'sais. Le 5 avril maintenant, 1998, bien longtemps avant les messages textes et les téléphones cellulaires, avant qu'on considère que c'était des dangers pour la conduite en automobile, une c'était une femme, qui donc était au volant à Marseille, en France, a été distraite par son Tamagotchi, son animal virtuel. Elle a foncé dans un groupe de cyclistes, on ne peut pas en rire là, parce qu'il y a une personne qui est morte et une autre blessée, donc c'était un accident de voiture, alors que la fille jouait avec son Tamagotchi. Ouch. Le 6 avril 1917, suivant la déclaration de guerre contre l'Allemagne, le président Woodrow Wilson a donné un ordre exécutif fermant toutes les communications radio qui n'étaient pas requises par la marine américaine. Ça, c'est en 1917. En 1992, Microsoft sortait Windows 3.1, vendu pour $149. Ça ajoutait le soutien pour les cartes son MIDI et CD audio, les moniteurs Super VGA et le support pour les modems 9600 baud. Ça, c'était Windows 3.1. La suite de Windows 3. T'sais. En 2010, Xiaomi, ça c'est la prononciation du mot que vous avez peut-être vu appelé X-I-A-O-M-I. Les gens vont dire Xiaomi, Xiaomi, c'est Xiaomi apparemment. Donc un fabricant de téléphones basé sur Android, à la mode et très très très peu cher. C'était fondé à Beijing, Beijing en Chine, en 2010, 6 avril. Les prononciations de ces gens-là, hein, de ces pays-là, pardon. 7 avril 1927... le système Bell était maintenant fonctionnel en voyant des images télé de Herbert Hoover, le secrétaire du commerce à l'époque, sur les lignes téléphoniques à partir de Washington DC jusqu'à un auditorium à Manhattan, New York. C'était la première fois qu'on montrait en public une transmission de télévision à longue distance en 1927. 1964, IBM sortait le système 360, une ligne d'ordinateur. C'est son système, en fait, c'est le système d'ordinateur qui a eu le plus de succès jusqu'à ce moment-là. Donc, ça s'appelait le 360 parce que c'était supposé s'adresser à tout plein de types de clients avec peu importe l'architecture, avec une seule architecture qui était unifiée et qui était compatible avec les logiciels. Voilà. En 2014, j'essaie de traduire ça mot à mot, mais il y a des affaires qui sont un petit peu confuses dans ma tête. En 2014, OpenSSL, qui sortait un petit bulletin de sécurité au sujet d'une vulnérabilité qu'on allait plus tard nommer Heartbleed. Vous vous souvenez peut-être de ça, c'était il y a un an environ. Donc le bug était dans la fonction TLS Heartbeat. Lorsqu'elle était implantée, elle pouvait être utilisée pour révéler jusqu'à 64 cas de mémoire à un serveur ou à un client connecté. Les serveurs qui n'étaient pas patchés pour le Heartbleed pouvaient voir leurs clés privées voler, faisant que c'était très facile pour les hackers malicieux, les méchants hackers, de faire semblant d'avoir une connexion sécuritaire certifiée. Et donc, quelqu'un aurait pu se connecter à un serveur en ayant l'air certifié alors qu'il n'était pas certifié. Donc, c'était Heartbleed en 2014. Le 8 avril 1953, les studios majeurs de cinéma ont été inspirés par le succès en 3D de 1952, Boana Devil. Columbia a battu Warner Brothers et leur film House of Wax jusqu'au cinéma, avec une première à New York. Ça a fait de Man in the Dark le premier film 3D à être produit et sorti par un studio majeur. C'était en 1953. En 1991, une équipe a déménagé de chez Sun Microsystems pour travailler en secret sur le Project Green en utilisant leur système, leur langue de programmation, langage de programmation, pardon, Hawk. Tout ça est devenu plus tard Java. Donc ça a commencé en 1991 avec le Project Green. Le 9 avril 1860, le typesetter, ça c'est une personne qui s'occupe de créer les lettres pour les faire imprimer. Donc un Parisien, inventeur Édouard Léon Scott de Martinville, a utilisé son phono-autogramme pour enregistrer du son sur du papier, mais il n'y avait aucune façon de le faire jouer. Donc il pouvait l'imprimer sur le papier, mais pas l'écouter finalement. Donc c'était en 1860. Le 10 avril 1943, les chercheurs à l'Université de la Pennsylvanie ont commencé à travailler sur l'Electronic Numerical Integrator et N-Computer, pardon, il y avait la suite N-Computer, connue sous le nom de ENIAC, E-N-I-A-C. Cette machine-là était synonyme pendant plusieurs années avec le mot ordinateur. Quand on disait ENIAC, ça voulait dire un ordinateur. Ça pouvait performer 5000 additions par seconde. En 2003, British Airways et Air France ont annoncé le retrait finalement de tous les jets supersoniques Concorde. Après un quart de siècle à des vitesses supersoniques, les passagers du 21e siècle ont donc été obligés d'aller moins rapidement dans les airs que ceux qui volaient à la fin du 20e siècle, étant donné qu'on avait retiré les jets supersoniques. Le 11 avril en 2012, Pebble lançait son Kickstarter pour sa montre intelligente. Pebble, c'est devenu un énorme succès, le plus gros succès jusqu'à maintenant. En fait, je pense que la nouvelle Pebble a peut-être dépassé, mais je suis pas certain. Ça a mené à la résurgence donc de l'intérêt envers les montres intelligentes, une renaissance, je vais dire, pour emprunter un mot que je sais qui existe. Le 12 avril 1994, les avocats d'immigration Lawrence Cantor et Martha Siegel ont intentionnellement posté plus de 6000 groupes de discussion Usenet leur service de Green Card aux États-Unis. C'est considéré comme la première fois qu'il y avait du spam commercial, c'était en 1994. Le 13 avril 1960, les États-Unis lançaient Navy Transit 1B. C'était une démonstration du premier redémarrage de moteur dans l'espace et c'était encore plus célèbre pour avoir montré que c'était faisable d'utiliser des satellites comme aide de navigation, ce qui a prouvé que les systèmes GPS pouvaient fonctionner. En 1974, Western Union, la NASA et Hughes Aircraft se sont assemblés pour lancer le premier satellite de communication géosynchronisé commercial aux États-Unis, le WeStar 1. En fait, je me demande si c'est WeStar ou WeStar. Je suis pas certain, je m'excuse de mon ignorance là-dessus, mais ça veut dire pas mal la même chose. Le système renvoyait donc les données, la voix, la vidéo et les transmissions de fax aux États-Unis continentales, à Hawaï, Puerto Rico, Alaska et les îles les Virgin Islands, les îles Vous appelez les îles Vierges, aucune. Je suis très mauvais en géographie. Et en 2000, finalement, le groupe de heavy metal Metallica a lancé une poursuite contre Napster pour avoir permis le vol de leur musique et l'infraction des droits d'auteur. C'était le début de la fin pour Napster et la musique piratée. Pas du tout. Donc, une partie de la musique piratée. Au moins Napster. Le 14 avril 1894, Alfred Tate, non, ce n'est pas un personnage dans Ma sorcière bien-aimée, mais un ancien associé chez Edison, et les frères Holland, les Holland Brothers, ont ouvert un kinétoscope public à New York City, au 1155 ou 1155 Broadway, au coin de la 27e rue. C'était la première, en fait, place où on pouvait diffuser des films commercialement. La première Motion Picture House, qu'on appelait à l'époque. En 1956, Ampex faisait la démonstration du VRX-1000, un enregistreur sur vidéocassette, au National Association of Radio and Television Broadcasters Convention à Chicago. C'était la première fois qu'on avait une enregistreuse de vidéocassette commerciale. Et en 1996, Jennifer K. Ringley a branché une caméra dans sa chambre, c'était un dortoir au Dickinson College, et l'a installée pour qu'elle puisse envoyer téléverser une photo à chaque 3 minutes. C'était une expérience, et à Jenny Cam, elle éventuellement se rendre à 4 millions de hits par jour à son plus haut sommet. C'était en 1996. Le 15 avril 1892, l'Edison General Electric Company et la Thomson House Company se sont fusionnés pour former la General Electric Company, un manufacturier de dynamo et de lumière électrique. C'est en 1892. On va pas mal avancer le mois d'avril, on a 3 semaines à rattraper. Le 16 avril 1971, Abe Bushan, a proposé le FTP, le File Transfer Protocol. Donc c'était évidemment le début du FTP, là, quand les serveurs FTP où on envoie et reçoit des fichiers sur Internet. On saute le 17 avril, où s'est passé plein d'affaires dans l'espace, mais je ne couvre pas l'espace. Le 18 avril 1925, c'est la première transmission de facsimile commercial, donc le Commercial Radio Facsimile, une transmission donc, qui a été envoyée de San Francisco en Californie à New York City. La première photographie donc envoyée par fax finalement, qui montrait Louis B. Mayer, qui présentait à Marion Davies un cadeau. Ça dit pas le cadeau, malheureusement. En 1930, BBC Radio a annoncé, je me rappelle d'avoir déjà parlé de ça, je me rappelle d'avoir lu un article là-dessus, c'est vraiment fascinant. L'article est en lien sur assemblagerequis.com, mais la BBC Radio a annoncé que rien de terriblement important avait lieu. Donc les auditeurs qui écoutaient ont entendu le bulletin de nouvelles, ils se sont fait dire « il n'y a pas de nouvelles » et ensuite de la musique de piano. Avouez que c'est quand même intéressant, c'est le 18 avril. Le 19 avril, en 1965, Cramming More Components Onto Integrated Circuits par Gordon Moore a été publié. On va dire donc mettre plus de composantes sur des circuits intégrés, on va dire à peu près comme ça en français. Moore projetait, ça c'est la loi de Moore, OK? Moore projetait que pendant les 10 prochaines années, le nombre de composantes par puce allait doubler à chaque 12 mois. En 1975, on a appris qu'il avait raison et le doublage des composantes par puce est devenu Moore's Law. C'est vraiment un terme qu'on utilise communément à la loi de Moore, le doublage de tout. Tout se double. Sauf quelques bonnes séries qui n'ont aucun doublage, malheureusement. Le 20 avril en 1926, Sam Warner a approuvé le système de Sound on Disk créé par Western Electric et ça a créé la compagnie Vitaphone pour développer le processus de l'ajout du son au film en 1926. En 1964, le premier picture phone de AT&T, Transcontinental. Non, je m'excuse, je reformule la phrase, les mots étaient dans le désordre. Donc le premier picture phone de AT&T, c'était le premier appel par picture phone transcontinental. Le premier appel transcontinental, c'est beaucoup de mots à remettre dans l'ordre, mais ça a été fait entre deux affichages à Disneyland et la New York World's Fair. Donc on envoyait un appel téléphonique, mais en vidéo. C'est comme un ancêtre de Skype, hein? En 1964, pour me rabaisser vraiment au niveau de la base humaine. Le 21 avril, en 1989, Nintendo sortait la version originale du Game Boy au Japon. C'était les mêmes contrôles que la NES, donc deux boutons A et B, les flèches directionnelles, Start Select, c'était pas mal ça, t'sais. Et le bouton Power aussi, qui n'avait pas sur la manette de NES, donc une option de plus. Et ça utilisait des graphiques, évidemment, on dit noir et gris, là, c'était pas mal plus jaune et vert comme affichage. Le 22 avril, en 1993, NCSA Mosaic 1.0 est sorti. C'est devenu le premier furteur web à vraiment être très populaire dans le public en général. Donc, c'était en 1993. En 2000, le Big Number Change a eu lieu au Royaume-Uni. Ça a changé comment les numéros de téléphone étaient composés dans plusieurs endroits au Royaume-Uni. Avec le boom des appareils mobiles en 2000, le Royaume-Uni avait presque épuisé les numéros de téléphone possibles. Ils avaient besoin de changer ça pour augmenter le bassin de numéros qu'on pouvait assigner. Et là, je suis allé sur la page de l'Ofcom, qui est l'équivalent du CRTC, pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Je comprends toujours pas. Donc, dans le... Mettons, on va aller à Coventry, tu sais. L'ancien code était le 01203. Le nouveau code était le 024. Donc, si ton numéro était le 01203 et suivi de 7 chiffres, ton numéro de téléphone devenait le 02476 et ensuite 6 chiffres. Donc, je pense qu'en tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chiffres dans les nouveaux numéros. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Il y a le même nombre de numéros. Mais ça doit être les codes qui ont changé, les codes de début de numéro. C'est super compliqué, mais ça s'appelle The Big Number. C'est ça qui a changé. Il faut aller voir le lien pour comprendre vous-même sur assemblagerequis.com. Voilà pour C'est un fait Tech Edition. Waouh! Ça, c'est beaucoup d'informations en 15 minutes environ. On a 3 semaines. On a repris 3 semaines. C'est pour ça que cette chronique-là, d'habitude, devrait durer 5 minutes. Mais étant donné qu'on la saute une fois sur deux pour Samuel Girard en début d'émission, ben, Colin, on en fait 3 de suite des fois. Mais par contre, ce n'est pas le moment de se quitter tout de suite. On a le temps pour une dernière pièce. C'est quand même pratique, là. On s'entend que c'est quelque chose que vous ne vous attendiez pas à vivre avec moi aujourd'hui, une pièce additionnelle comme ça en fin d'émission. En fait, ça, c'est si on est chanceux et que je suis capable de la charger parce que je m'attendais à pouvoir finir l'émission avec ça. Tu sais, par souci de transparence, c'est à peu près ce que je fais pas mal tout le temps. On va aller écouter une pièce par Hurricane Boy. En fait, je me rappelle avoir écouté Hurricane Boy. C'était plus tôt dans l'émission, oui, en deuxième pièce d'émission. En fait, c'est ce qui a débuté après le générique d'ouverture. On avait entendu Showdown par Hurricane Boy et on va aller le réentendre dans quelques instants. En fait, je pense que si, on va essayer quelque chose. On va faire play ici et on va espérer se rendre jusqu'à la fin. Puis après ça, ben, sinon on terminera l'émission. C'est au Mathieu Plancho, MPS sur le 89 FM, c'est fou. Ah là, ça va bien. J'ai confiance. Que je croyais. Voilà, c'est tout pour le Mathieu Plancho. Ça se termine là-dessus. Hurricane Boy et Astro. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 13h à 15h. On rappelle les jeudis de 17h à 19h. Je vous retrouve aussi avec Stéphanie Paradis à Assemblage Requis ainsi qu'au Palmarès Sifou. Consultez la programmation complète sur sifou.ca et retrouvez les notes de l'émission et les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plancho et Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye. Yahoo!